se balade, on se balade dans la ville. Individu, individu, pas très docile. Je suis côté passager, accoudé sur la vitre. Elle me demande le modèle de l'automobile. Qui est dans la cité, avec un mec en train de friter, en train de fantasmer sur les Champs-Élysées, parce que la classe moyenne nous a quittés. Dans la cité, y a certaines personnes à éviter. Y a le petit Mounir qui conduit sans m'y faire. Chacun essaie de s'en sortir comme il peut. Yeah. Je suis conscient que tu es coincé comme les jeunes dehors. À genoux, t'as l'impression qu'ils te prennent de haut. Le tremplin social est mort, y a plus de ressort. Quand t'en as un qui tombe, t'as un autre qui ressort. Dans la cité, avec des visages qui font flipper. Je suis dans la cité, avec des gens qui viennent d'être acquittés. On se balade dans la ville. Individu, individu, pas très docile. Je suis côté passager accoudé sur la vitre. Elle me demande le modèle de l'automobile. Yeah, ça débite dans la cité. Alors maintenant t'arrêtes de filmer. Car y'a des squats et y'a des familles confinées. Et des teutés à deux doigts de se faire fumer. Yeah. Dans la cité, y'a toujours une meuf qui se fait siffler. Y'a toujours un quemé sous zipette. Un rappeur flingué qui veut percer. Yeah. J'ai ramé pour pouvoir vous ramener de l'or. Le moteur fait un boucan d'alligator. Entre toi et moi il n'y a aucun rapport. Je les surveille, je les épaule sur le mirador. Dans la cité, avec des visages qui font flipper. Je suis dans la cité, avec des gens qui viennent d'être acquittés. On se balade dans la ville. Individu, individu, pas très docile. Je suis côté passager accoudé sur la vitre. Elle me demande le modèle de l'automobile. Yeah.